Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le cinéma iranien. Révolution et création. Avec nous cette semaine... Je suis Agnès De Victor, je suis maître de conférence dans le département d'histoire de l'art, histoire du cinéma. Alors je suis Javad Zeini, né en Iran en 1968. Je suis Asal Bagheri, je suis sémiologue et je travaille sur le cinéma iranien. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Froudon, je suis critique de cinéma, journaliste, je suis également professeur à Sciences Po et dans une université en Écosse. Je suis Katayoun Shahabi, je suis productrice et distributeur international des films iraniens à travers le monde. Aujourd'hui, premier épisode, naissance des genres. Vous êtes l'auteur, Javad Zeini, d'un ouvrage intitulé « Le cinéma iranien, un cinéma sous influence de 1900 à 1979 ». C'est paru chez l'Harmattan. Et vous indiquez donc que la religion, à travers le clergé, a joué un rôle très important dans l'interprétation et l'installation de l'art en général en Iran. Il y en ira de même sans doute pour le cinéma, encore qu'il y aura probablement des particularités, mais pouvons-nous déjà nous arrêter sur dans quelle mesure la religion joue ce rôle dans l'installation de l'art en Iran ? Alors, c'était assez important, c'est toujours d'ailleurs le cas, c'est-à-dire que la religion est vraiment entrée dans la vie quotidienne des Iraniens. Et ça compte à peu près pour tout, la religion, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort, le mariage ou d'autres. Et dans l'art, effectivement, quand il y avait une partie de liberté d'expression qui gênait un petit peu au départ, d'ailleurs toujours, c'est pas seulement au départ, les religieux. Donc ça a été très difficile l'entrée de manière générale l'art, la peinture, la photographie et tout, et surtout le cinéma, qui donnait plutôt une image lointaine et différente de ce qui vivaient les Iraniens dès l'entrée du cinéma. Mais c'est principalement la présence de l'image qui fait problème, et pourquoi fait-elle problème ? Oui, dès le départ, c'est-à-dire l'image même, est, c'est-à-dire même le cas de dessiner quelque chose est interdit apparemment, après ce qu'ils disent certains religieux en islam. Et donc, pendant longtemps, l'image était interdite chez les religieux, notamment dans les mosquées et tout ça. Et donc, c'était très difficile pour les artistes aussi de faire leur travail à ce moment-là. Donc, petit à petit, ce n'est qu'à partir du 16e et 17e siècle que l'image a commencé à entrer dans les mosquées et notamment aussi dans la vie quotidienne des gens, parce qu'à une époque, d'avoir une photo, une image dans une maison, c'était très très mal vu. Qu'est-ce qui fait le changement ? Qu'est-ce qui produit le changement ? Ce sont des circonstances, ce sont des mentalités ou c'est un moment, une décision humaine ? Je pense que ce qui était important en Iran, c'était que les artistes, ce qu'on appelle les artistes, souvent c'était des poètes, comme Rumi par exemple, qu'ils ont commencé, ou c'est-à-dire à Fès, qu'ils ont commencé à montrer qu'il y a une autre façon d'approcher les gens, sachant que la plupart de ces gens, justement, quand on parle, c'est des analphabètes, et c'était très important d'avoir des contacts avec eux, et la religion s'intéressait aussi à ce moment-là pour pouvoir faire une sorte de propagande religieuse en passant par les images, c'est-à-dire en ce qui concerne les faits qui sont arrivés aux prophètes pendant la guerre en Irak ou en Arabie Saoudite, c'est-à-dire en montrant des images et en expliquant comme une conte de fées, une histoire aux gens ce qui se passait à ce moment-là. On va faire un peu d'histoire. Vous connaissez le principe et le titre de l'émission à laquelle vous participez, Agnès De Victor, Histoire vivante, permet notamment d'aller repartir un peu, de faire un travelling arrière. Supposons que ce travelling arrière fasse quelques 117 ans, on arrive aux alentours des 1900, et 1900, c'est justement la période dans laquelle le cinéma arrive en Iran. Il n'arrive pas, comme pour le reste de la planète, ou tout au moins une partie de la planète, par les frères Lumière ou par les opérateurs des frères Lumière, il y arrive de manière différente. Voulez-vous bien nous expliquer la façon dont le cinéma débarque en Iran ? Oui, on est dans le cas iranien, on est dans un cas très singulier où le cinéma débarque dans les valises du Shah, c'est-à-dire du roi en Iran. Son père, Nasreddin Shah, était extrêmement féru de découvertes, de photographies. Il avait déjà été le grand photographe, le grand amateur de photos qui avait tant aimé la photo qu'il l'avait énormément diffusée en Iran. Et son fils va découvrir le cinématographe grâce à la presse, tout d'abord, va commander un appareil en 1899, mais en 1900, avant que l'appareil n'arrive, il fait un voyage en Europe et notamment en Belgique, où il va acheter un appareil, des films, et puis surtout il va demander à son photographe de tourner le premier film tourné par un Iranien, mais en Belgique, et dont le roi est au centre du film. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, il y a du cinéma en Iran depuis la toute fin du 19e siècle. Le cinéma a été en Iran d'abord une affaire de cour, puisque c'est le Shah qui a rapporté le cinéma d'un voyage. Il est allé prendre des bains en Europe et il a ramené cette machine qui était dans un premier temps réservée vraiment à une élite, puis qui s'est diffusée dans le pays au cours des années 1910 et 1920, en rencontrant certaines oppositions religieuses qui ont fait que ce sont d'abord des étrangers vivant en Iran ou des minorités nationales, notamment des Arméniens, qui l'ont pratiqué. Le cinéma iranien, dans toute l'acception du terme, se développe à partir des années 30 et du cinéma parlant, et il devient très vite immensément populaire. Il l'est toujours. Et la première chose qui dépasse pour le coup les périodisations, qui bien sûr sont nécessaires, c'est à quel point les Iraniens sont passionnés de cinéma, ce qu'on appelle le grand public, aussi bien que des artistes, des intellectuels, des chercheurs. Il y a une place dans la société iranienne du cinéma qu'on ne retrouve pas, notamment dans cette région du monde, de manière fréquente. L'image a plus de force qu'est l'écriture et la littérature. En fait, les Iraniens sont très intéressés par l'image plus que l'écriture. C'est une place qu'a le cinéma et que pourraient avoir également d'autres arts, et je précise là d'autres arts du spectacle, ou c'est une place vraiment bien à part qu'a le cinéma ? C'est une place assez à part. Les Iraniens sont l'un des peuples, sinon le peuple le plus amoureux de poésie, les Iraniens connaissent. Donc il y a d'autres arts avec lesquels ils ont un rapport très intense, et ils ont évidemment, ils sont détenteurs d'un patrimoine plastique, ce que nous résumons de manière un peu rapide sous le terme de miniature persane, mais qui a donné vraiment dans le champ de la calligraphie, dans le champ du roman et de l'épopée, plus Il y a des grands dramaturges, il y a un théâtre en Iran et toutes ces formes-là. Il y a eu, avant la révolution islamique, y compris des chorégraphes et une tradition de la danse profane en Iran. Donc ils n'ignorent aucun domaine des arts, mais le cinéma est vraiment comme loisir, comme distraction, tout autant que comme art et comme enjeu de recherche esthétique, extraordinairement présent et aimé en Iran. Donc ce qu'il y a d'intéressant dans le cas iranien, c'est que le cinéma n'arrive pas comme un loisir populaire, ce qui est le cas dans la majeure partie de la planète, mais comme un loisir de cour. Et il faudra attendre pratiquement deux décennies, un peu plus de deux décennies, pour que le cinéma se popularise un petit peu, avant de devenir, dans les années, on va dire, 50, une industrie national. Le cinéma va vraiment connaître un développement dans les années 50, non seulement en termes de production, mais aussi de fréquentation publique. Mais vous soulignez, Agnès de Victor, que d'entrée de jeu, la question technique pose un problème, au sens où la technique, c'est l'illustration de l'idéologie du pays qui l'a conçue, cette technique, et qu'auprès des autorités religieuses, cet apport d'une technique, disons, occidentale, lyonnaise, même plus particulièrement, va poser problème. De quelle manière et comment ça se manifeste? Oui, on pourrait croire que les frictions entre cinéma et religion pourraient se passer sur un terrain de l'interdit de l'image. Ce qui va se passer, par exemple, en Arabie Saoudite, ou ce qui va se passer dans l'Afghanistan des talibans. En Iran, cette question ne se formule pas ainsi. Il faut en remonter à la source, si j'ose dire, du 19e siècle, quand se formule dans le monde islamique la pensée de la Narda, c'est-à-dire qui va penser la modernité, la relation avec l'Occident, et où différentes propositions vont se faire, dont une portée par des grands penseurs, je pense à Afrani, à Abdou, au milieu du 19e siècle, puis plus précisément, même un peu plus tardivement, qui vont dire, mais en fait, le monde musulman connaît un retard par rapport à cette Europe triomphante, cette Europe de la révolution industrielle. Et que faire? Est-ce que l'on doit rester fidèle à nous-mêmes et hostile à tout ce qui vient de l'Europe pour préserver notre société, notre culture? Ou bien peut-on se servir des techniques européennes, des idées européennes, et les instrumentaliser pour s'en servir pour notre propre développement et notre propre rayonnement? Et une partie de la pensée au 19e et début 20e va dire oui, pourquoi pas, faisons-le sur ce terrain-là. Quand le cinéma arrive en Iran, on va avoir un religieux, Cheikh Fazlollah Nouri, qui va assister à une projection. À cette époque, le cinéma n'est pas projeté dans des salles, il est projeté plutôt dans des arrière-boutiques assez chics, qui sont fréquentées plutôt par des gens très occidentalisés. Je pense à des cadres militaires, à des médecins qui sont allés en Occident et qui se projettent un petit peu en catimini, des films, pas tellement pour se cacher, mais parce que ce n'est pas du tout un loisir populaire, je le rappelle. Et là, ce clerc assiste à une projection, et que voit-il? Il voit une femme qui est projetée à l'écran, plus grande que nature, un bigger than life, et qui en plus n'a pas de lien ni avec les gens qui sont autour d'elle sur la pellicule, mais qui n'a aucun lien non plus avec les spectateurs qui la regardent, et qui donc brouille cette frontière si importante en islam entre espace public et espace privé, entre relations entre hommes et femmes. Et le Cheikh ne va pas condamner le cinéma au titre d'une prétendue interdiction de l'image en islam, qui serait vraiment à débattre, mais au titre d'une importation des techniques, en disant en définitive: le cinéma, comme toute technique, est porteuse de l'idéologie dans laquelle elle s'est développée, et notamment cette Europe occidentale, sécularisée, on pourrait dire, où les hommes et les femmes sont ensemble, et c'est ça qui va poser problème. Agnès de Victor, il va falloir que vous éclairiez nos lanternes, sur ce qu'est le cinéma farsi, le film farsi. Il semble qu'à une certaine époque, notamment sous les Pahlavis, on fasse du farci à la chaîne, si je puis me permettre ce très mauvais jeu de mots, et pardonnez-moi. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord que ce cinéma-là, que ce, on peut dire sans doute mélodrame populaire, mais ça demande probablement quelques ajustements. Quel est-il et comment expliquer ce phénomène de multiplicité de production ? Film farci, ça veut dire film parlant le persan. Donc le premier film parlant le persan, il arrive en 1933 en Iran. Paradoxalement, il n'est pas tourné en Iran. Il est tourné en Inde, à Bombay, par ce que l'on appelle un parsi de Bombay. Mais il va reproduire vraiment les caractéristiques iraniennes, les accents iraniens, les paysages, l'histoire iranienne, etc. Et ça va, ce film va avoir un succès énorme. Et il commence d'ailleurs par une scène de danse d'une jeune femme qui danse devant notamment un militaire, qui danse publiquement devant un militaire. Et c'est un mélodrame d'aventure à l'eau de rose, mais fait en Inde. Ce film marche très bien et montre le désir des Iraniens d'entendre leur propre langue et que le cinéma réponde aussi à leur culture. Il y a un genre populaire qui se développe alors à partir des années 40, 50, 60 et jusqu'aux années 70, jusqu'à la fin des années 70, c'est-à-dire jusqu'à la révolution qui va chasser le Shah. Et donc il y a cette longue période où domine un genre populaire strictement iranien, même si on en trouverait des équivalents ailleurs dans le monde, qu'on appelle le film farci, qui est un film qui repose sur des comédies avec de l'action, avec des personnages populaires, souvent des gros costauds qui ont l'air un peu bébêtes et puis qui finalement seront des redresseurs de tort qui incarnent le bon sens et qui défendent la veuve et l'orphelin, avec de la musique et des chansons éventuellement, avec une présence alors plus grande que par exemple dans le cinéma populaire égyptien des années 40 et 50, ou même dans le cinéma indien, disons du Bollywood de la première période, un érotisme ou disons une visibilité, une exposition du corps féminin avec des décolletés profonds. Il n'y a pas de nus, mais on fait se pencher en avant des jeunes femmes accortes et pas trop vêtues pour qu'on ignore le moins possible de leur anatomie. Et ça fait partie donc de une sorte de cinéma pas très ambitieux formellement, c'est le moins qu'on puisse dire, mais extrêmement énergique, extrêmement tonique. Si on voulait y trouver des sources que nous connaissons mieux, on irait du côté de la Commedia dell'arte ou de choses comme ça. Et ça vient en effet d'un théâtre populaire iranien qui existait, qui continue d'ailleurs d'exister dans toute cette période-là, avec des personnages très typés, très reconnaissables, de héros, d'idiots, de méchants, de jeunes ingénus à qui va arriver les pires avanies, etc. Nous connaissons ces codes. Ils ont leur forme cinématographique archi-dominante dans le cinéma iranien des années, oui, disons à partir des années 40. Et puis va se produire un autre phénomène qui va interférer avec celui-là, qui va faire le grand cinéma iranien, celui que nous découvrirons et que nous apprécions aujourd'hui à partir de la fin des années 50. Après la Deuxième Guerre mondiale, vont revenir en Iran des Iraniens qui ont fait leurs études notamment en Allemagne ou en France, dans des grands studios, qui ont appris le cinéma, qui ont appris l'écriture scénaristique et qui vont regarder les films qui ont un certain succès en Iran et qui vont créer ce que l'on va appeler plus tard le film farci, donc le film qui parle le persan. Et effectivement, cela va devenir un genre, bien que un genre est toujours constitué a posteriori, mais on va dire un genre, pourquoi ? Parce qu'il répond à quelques caractéristiques qui sont, par exemple, des personnages. On aura presque toujours un jeune homme au cœur pur, un Robin des Bois, si je puis dire, qui vient des bas quartiers, très ancré dans la culture populaire, dans une morale, une éthique sociale très développée, et qui va venir sauver une jeune femme, souvent de culture occidentale ou que certains appelleraient aux mœurs dépravées, et qu'il va aider à la à surmonter soit un obstacle, soit à revenir dans le droit chemin d'une culture et de mœurs plus occidentalisées. Il y aura toujours des scènes de bagarre, très souvent au bazar, des séquences éventuellement de danse et de chant, mais bien moins osées, on va dire, qu'en Inde ou qu'en Égypte. Et très souvent, vous avez raison d'utiliser ce mot à la chaîne, puisque très souvent, des scénaristes se faisaient même projeter des films indiens, turc ou égyptien, copier littéralement l'histoire, l'adapter à l'Iran, non seulement par rapport à l'intrigue, mais aussi par rapport aux mœurs. Donc on a vraiment cette tentative de faire des légères variations, mais sur des formules qui fonctionnent bien. Et ce genre-là va perdurer et va financer, il faut dire aussi, l'industrie nationale du cinéma iranien jusqu'en 1979. Les femmes sur l'écran et puis les femmes dans les salles de cinéma, pendant toute une période, Javad Zaini, les femmes ne sont guère nombreuses au cinéma. Elles viennent rarement seules, elles peuvent parfois venir et aller à des places qui leur sont assignées, plutôt en général au balcon. Pourriez-vous nous raconter un peu cela et puis peut-être nous donner un peu... l'évolution de tout cela, parce que si on entre aujourd'hui dans une salle de cinéma dans un certain nombre de villes en Iran, le public aura sans doute changé. Ouais, ça a beaucoup changé, évidemment. À l'époque, c'est au départ l'arrivée de cinéma dans les années 30 en Iran, c'était très mal vu pour une femme d'aller au cinéma. Et souvent, leur mari les accompagnait pas non plus, parce que c'était mal vu aussi aller avec sa femme au cinéma. Certains cinémas proposaient le balcon, comme vous dites, pour les femmes, et ça a été souvent pas forcément très bien vu non plus. Et donc les femmes, en fait, si vous voulez, on le voyait sur l'écran, mais très rarement dans la salle. Et ce qui a été assez difficile pour eux, et pendant longtemps d'ailleurs pour elles, et pendant longtemps d'ailleurs parce que, en fait, si vous voulez, même dans les années 60-70, qu'il y avait quand même des changements assez importants dans le pays, à part quelques salles de cinéma à Téhéran, dans les beaux quartiers, ailleurs, dans les quartiers plutôt du sud de Téhéran ou des petites villes en Iran, d'aller au cinéma pour une femme était égal d'aller dans une maison close. Et donc, ce qui était assez étonnant. Et moi, j'avais notamment moi-même des gens, de membres de la famille, qui quelquefois je proposais, par exemple, avec des tantes ou des nièces et tout ça, d'aller au cinéma à l'époque. Et elles faisaient la grimace comme quoi c'était quelque chose impossible de faire, mais c'était vraiment marginal comme activité, si on peut dire. Je vous cite à Assal Bagheri, vous écrivez entre 1969 et 1978, la décennie qui se termine par la révolution islamique, si on regarde les métiers des femmes dans les films, voici comment elles sont représentées. Danseuses et chanteuses, 52 fois. Prostituées, 22 fois. Ouvrières, 16 fois. Vagabondes, 15 fois. Employées de cabaret, 10. Artistes et écrivaines, 8. Femme d'affaires ou propriétaire de terre, 7, enseignante, 6, infirmière, 5, servante, 4, étudiante, 4, autre, 16. Le cinéma iranien d'avant la révolution, qui n'avait pas beaucoup de censure en ce qui concerne finalement l'image de la femme, montrait ces femmes toujours sous le même angle, c'est-à-dire une femme faible, donc vous voyez bien, toujours travailleuse dans les cabarets, etc., qui n'a pas fait beaucoup d'études, qui n'a pas beaucoup de famille, qui doit être sauvée toujours par un homme. Dès qu'on parle de chiffres, ça parle plus. Et c'est ça, c'est intéressant de voir les pourcentages. Et il y a peu de films vraiment avant la révolution qui se sont intéressés vraiment à une image réelle, en fait, de la femme iranienne de l'époque. Qu'est-ce qui va changer, Assal Bagheri, à partir du moment où il y a un avant et un après, puisqu'on prend peut-être de manière trop raccourcie la révolution comme étant un marqueur, un avant et un après, mais forcément c'en est un. Comment ça va se traduire et quel thème qui n'était pas jusque-là abordés, vont commencer à être abordés après. quand il y a eu la révolution de 1979, le cinéma allait très mal. Avant la révolution, comme je vous disais, donc la femme était en général traitée comme un objet. C'était un objet maltraité, que ça soit par la caméra, par la mise en scène, par le scénario. Il y a eu très peu de films qui s'intéressaient vraiment à l'image réelle de la femme. À partir de la révolution, au départ, ce qui s'est passé, c'est que l'image de la femme était quasi absente, en fait. Parce qu'on a une révolution iranienne, et cette révolution, les gens étaient contre le cinéma. On a brûlé des cinémas au début de la révolution parce qu'il y avait l'image décadente de la femme, et on prenait le cinéma comme le symbole de la décadence occidentale. Et à partir de là, on savait plus comment montrer la femme. Donc les réalisateurs, spontanément, en fait, ils se sont dit, on va pas les montrer parce que c'était trop compliqué. Il y a eu la guerre, c'était encore pour le cinéma très compliqué, et donc on voyait pas beaucoup la femme. Et on s'intéressait plutôt aux problématiques des enfants, etc., comme les films de Kiarostami à l'époque, de Jafar Panahi. Et donc au milieu des années 80, petit à petit, on a une image très pâle de la femme, qui se considérait un petit peu comme une forme de décor dans le cinéma iranien. Elle était une mère pieuse qui aidait son mari ou son fils à aller à la guerre, voilà. Et vers la fin des années 80, petit à petit, en fait, on a commencé à voir l'image de la femme. Alors je vous donne un exemple d'un film qui s'appelle Boshu, le petit étranger, de Bahram Bezaï, qui a été traduit. Donc c'est un film qui existe ici en France, par exemple, ou en Suisse, je pense. C'est à partir de là où la femme put regarder directement, en fait, dans la caméra. Il y a eu un regard direct vers la caméra et donc vers le spectateur. Le film a été censuré pendant 3 ans. Pour ça? Parce que ils ne disent pas exactement pourquoi le film était censuré. C'était sur les problématiques de la guerre. C'était un film de guerre, parce que ça parlait d'un enfant qui venait du sud de l'Iran, qui allait, parce que la guerre était concentrée sur le sud, et venait vers le nord. Et il retrouvait une mère, entre guillemets, adoptive. Et cette femme, en fait, elle est présente, c'est Susanne Taslimi, qui est en Suède maintenant, elle s'est exilée malheureusement, et elle est très belle, elle crève l'écran. Et donc c'était très compliqué de montrer cette femme comme ça, regardant directement la caméra le spectateur, parce qu'on disait à cette époque-là que regarder la caméra, ça veut dire regarder le spectateur, et donc comme en fait c'est interdit, c'est censuré, parce que ce regard direct peut créer le désir, voyez, ce voyeurisme qu'on parle dans le cinéma. Et finalement le film a été libéré, entre guillemets, des greffes de la censure, et à partir de là, il y a une libération dans le cinéma iranien, petit à petit. Il y a eu des gros plans. Jusque-là, il n'y a pas eu de gros plans de femmes, vous voyez. Notre épisode était intitulé « Naissance des genres ». Avec aujourd'hui Agnès De Victor, Jean-Michel Frodon, Javad Zaini et Assal Bagheri. Demain la suite avec un nouvel épisode intitulé « Chercher la femme ». Cette thématique est réalisée par Isabelle Barthes. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est